nourrissons comme fleurs écloses, sitôt fleuries, déjà fanées. À peine le temps d'une pause, le temps s'égrène au sablier. Le livre de la vie s'effeuille, page après page, sans hésiter. La mémoire devient linceul au carnaval de nos regrets. Nos vies sont comme fleurs écloses, sitôt fleuries, déjà fanées. À peine le temps d'une pause, le temps s'égrène au sablier. Ce vieux monde nous tend les bras, tout le reste n'est qu'avatar. Enfourchons les chevaux de bois au carrousel de nos espoirs. Nos vies sont comme fleurs écloses, sitôt fleuries, déjà fanées. À peine le temps d'une pause, le temps s'égrène au sablier. L'aube nouvelle est annoncée, évanescente à mon regard. Les oiseaux sont de grands bavards dans ce parfum de fin d'été.